Comme quoi, il y a un signal. Pourtant, je te dis, la batterie, ça marche. Alors, est-ce que c'est... Je sais pas ce que j'ai fait. On entend que ma voix, là. Quand j'essaye la batterie, faut j'essaye un clavier. Oh, oh. L'on est mort. C'est normal, c'est ma période et il n'y a rien qui marche. Thank you. vocodeur, dommage, j'aimais bien. Je pourrais essayer le vocodeur de Reaper, il y en a un. Thank you.